Édition Harmonie, Prison, Groupe Lano, Boya Bataro, les programmes, Idriss, c'est le Houfou d'Asgaridi. Tabiti Doula ou Chikoula, Hamza Pixo, Adil Bergram, Sissimio, Farid Master Khan. Yeah, man.